Je vous souhaite un très bel après-midi. Il est 13h30 et là tout de suite, vous avez rendez-vous avec Histoire Vivante. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire Vivante. Cette semaine, voyage dans le libéralisme. Une société sans croissance ne fonctionnerait pas. Théorie, colloque et pratique, elle finirait forcément par s'effondrer. Un système à l'épreuve. La croissance infinie n'existe pas dans notre monde. Cette règle s'applique à tous les domaines, sauf un. L'économie est censée connaître une croissance infinie. On ne peut pas comprendre et dominer les détails de cet ordre hyper complexe. It was through audacious and imaginative use of mass production methods that US industry was able to perform its wartime miracle. Beliefs which have led us to do the right things, while they are not factually correct. L'obsession d'Hayek, c'est de montrer que la toute-puissance n'est qu'un mythe et que lorsqu'on se laisse prendre à ce mythe, on aboutit précisément à un ordre totalitaire. Friedrich Hayek, prix Nobel d'économie, philosophe du droit, philosophe politique, aura bâti l'ensemble de ses théories sur une certaine philosophie de la connaissance et de la science. Florin Aftalion, économiste, qui s'inscrit dans l'esprit de l'économie libérale, sera celui par lequel les travaux de Friedrich Hayek seront connus pour les lecteurs francophones. Dans quelles circonstances prend-il connaissance des écrits de Friedrich Hayek ? Florin Aftalion. Il y a une dizaine d'années, je ne sais plus très bien comment, un exemplaire anglais de La route de la servitude m'était tombé entre les mains et je l'ai lu avec enthousiasme. Et j'ai beaucoup regretté de voir qu'en France, il n'y avait depuis une trentaine d'années rien sur Hayek. Et donc, j'ai un peu fondé cette collection pour pouvoir publier Hayek en français. Qui dans les années 70 connaissait Hayek ? Qui en parlait ? Il a fallu attendre que précisément quelques personnes redécouvrent Hayek et s'y réintéressent. Henri Lepage, lui aussi appartient au courant des économistes libérales. Henri Lepage montre que l'argumentation utilisée afin de justifier l'intervention des pouvoirs publics a des limites et des défauts. Même si les choix sur le marché sont incertains, c'est un sophisme que d'attribuer cette incertitude au marché en supposant, sans examen, que les choix étatiques non seulement ne seraient pas source d'incertitude, mais seraient capables de la faire disparaître. C'est la crise, la redécouverte d'une période de crise qui a remis, en recontestant toutes les idées à la mode, en découvrant que les recettes du passé ne faisaient plus, ne fonctionnaient plus. On s'est retourné, on a recherché un peu partout de nouvelles idées, etc. Et je crois que dans l'eau, Hayek est ressorti, pour d'autres raisons, mais... Il ne faut pas oublier qu'on a vécu une période assez longue de domination presque absolue de la pensée keynésienne, qui est justement typique de ce quantitativisme, de ce constructivisme que dénonce Hayek. Et je me souviens que lorsque j'étais étudiant, il n'était pas question d'avoir une autre approche des problèmes économiques que celle-là. Pascal Salin, lui aussi économiste libéral. Comme tous les économistes autrichiens, il voit le keynésianisme comme une aberration dans l'histoire de la pensée économique. Il déclare en février 2003 « La théorie keynésienne représente une aberration dans l'histoire des idées économiques. Elle repose en effet sur une approche directement posée en termes collectifs, en ignorant le caractère rationnel et volontaire de l'action humaine. Elle est fausse sur le plan théorique et donc sur le plan pratique. » Son succès est venu du caractère confus de la pensée de Keynes, ce qui a permis à chacun de lui faire dire ce qu'il voulait, mais aussi du fait qu'il prétendait légitimer la politique économique en dotant ses décideurs des instruments nécessaires pour les transformer en ingénieurs sociaux capables de diriger la machine humaine. Pascal Salin. Il y a eu un certain décalage avant que le keynésianisme s'introduise en France, mais une fois qu'il s'est installé, ça a été de manière absolument dominante. Et devant la faillite intellectuelle et pratique du keynésianisme, on a effectivement redécouvert d'autres auteurs. Henri Lepage. Moi, j'ai découvert Hayek en 62. En fait, c'est pas vrai, je l'ai pas découvert. Je suis arrivé aux États-Unis comme étudiant avec une bourse Fulbright, et le premier devoir que l'on m'a donné, ce qu'on appelle le midterm paper, le mémoire, qu'on nous a donné, c'était précisément de faire un résumé du livre d'un certain Hayek, The Road to Serfdom, La route de la servitude. Et quand j'ai redécouvert Hayek 20 ans plus tard, je dois dire que je n'en avais strictement gardé aucun souvenir. J'avais lu La route de la servitude quand je sortais de Sciences Po, éduqué dans une mythologie du service public, et ce livre n'avait fait vraiment, m'avait fait aucune impression. J'en ai gardé aucun, strictement aucun souvenir. Et je crois qu'il y en avait beaucoup d'autres qui étaient un peu dans le même cas de figure. Friedrich Hayek, prix Nobel d'économie, philosophe du droit, philosophe politique, lui-même, comment se considère-t-il ? I started really as a biologist. I come from a family completely biological. J'ai débuté en tant que biologiste, je viens d'une famille de biologistes. Et c'est seulement à l'occasion du grand désordre politique provoqué par la Première Guerre mondiale que mon intérêt pour les sciences sociales a été éveillé. Mais ma pensée scientifique a été plutôt formée par mon expérience de biologiste et je me suis fait un nom comme théoricien de l'économie. Mais j'ai pensé que certaines tentatives de rendre l'économie plus scientifique la rendaient en fait moins scientifique, parce qu'elles étaient basées sur la fiction selon laquelle nous pourrions connaître certains faits qu'en réalité nous ne connaîtrons jamais. Et ceci me conduisit de l'économie vers les problèmes de méthodologie scientifique. Incidemment, quand j'étais étudiant, j'ai consacré beaucoup de temps à la psychologie. Et c'est particulièrement pour cette raison que j'ai développé l'idée de formation des ordres spontanés. J'ai découvert cela en psychologie et non pas en économie. Mais depuis ce temps-là, je suis moitié philosophe, parce que si vous vivez avec un pied dans un sujet et l'autre pied dans un autre, vous ne pouvez plus dire exactement ce que vous êtes. Je me suis fait une réputation en tant qu'économiste, mais si vous me posez maintenant la question, la seule réponse est « Je suis un philosophe, parce que cela recouvre l'économie, l'épistémologie, le droit, et maintenant, de plus en plus, le problème des origines de la morale. » Et ici, je dois dire quelque chose d'important. Je conviens qu'on ne peut tirer des conclusions morales de la connaissance scientifique, mais on peut répondre scientifiquement à la question de l'origine des morales particulières et de leur effet sur nous. Ces questions sont scientifiques et elles sont dorénavant centrales pour moi. Pascal Salin. Il y a dans le domaine monétaire un débat qui est important entre Friedman et Hayek. Et ce que je reprocherais pour ma part à Friedman, c'est d'être un peu constructiviste. C'est-à-dire qu'il dit, pour résoudre par exemple le problème de l'inflation, il faut une règle monétaire. On décide a priori que la croissance monétaire ne devra pas dépasser telle norme. Autrement dit, il définit à l'avance le résultat que l'on doit obtenir. Alors que Hayek dit, il faut la concurrence pour les monnaies, puis on verra bien ce qui se passe. Et pour ma part, j'ai beaucoup plus tendance à suivre cette démarche. Hayek dit, j'étais biologiste, etc., j'étais un économiste, et puis je suis passé à la méthode des sciences. Mais au fond, il aurait peut-être pu contester lui-même le terme économiste. Qu'est-ce que c'est d'être un économiste ? Nous sommes habitués à cette idée qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui sont des phénomènes économiques, et que l'on catalogue ainsi parce que ça concerne certaines variables, le revenu national, les prix, etc. Et Hayek lui-même dit bien que l'économie en tant que telle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il propose d'ailleurs un autre mot pour parler de l'ensemble du fonctionnement d'une société, il parle de catalaxie. L'économie, pour lui, c'est un ensemble organisé. Alors, il y a une seule réalité, c'est la société. Une seule science, qui est la science sociale. Nous croyons à la nouvelle économie. La nouvelle économie, précisément, c'est une extension à toutes sortes de domaines de l'approche de l'économiste. Mais plutôt que de l'approche de l'économiste, on devrait dire c'est l'extension à beaucoup de domaines d'une certaine méthode que les économistes, traditionnellement, ont utilisé peut-être plus que les autres. Alors, c'est pas tout à fait exact, au fond, de dire je suis économiste ou je suis philosophe ou sociologue. D'abord, évidemment, nous sommes des spécialistes de sciences sociales et nous nous reconnaissons par une certaine méthode. Henri Lepage. Je crois que pour éclairer la lanterne des auditeurs, il faudrait revenir peut-être sur la biographie de Hayek. Quand on regarde la vie d'Hayek, en fait, sa vie se partage en deux morceaux, en gros. Il y a le Hayek d'avant la guerre et le Hayek d'après la guerre. Le Hayek d'avant la guerre est d'abord et avant tout un économiste. Je dirais qu'avant la guerre, c'est même, avec Keynes, l'économiste le plus connu dans le monde entier. Il a tout juste 30 ans lorsqu'il arrive à Londres. Et sa renommée est pratiquement, et qui est presque aussi souvent citée que Keynes. La raison est simple, c'est l'époque de la grande crise, et Hayek est le premier à avoir proposé une explication théorique des origines et des causes de la grande crise. Il l'explique dans les années 31-32 avec son livre « Prix et production » notamment, qui est son seul ouvrage économique traduit en français. Et qu'explique-t-il ? Eh bien, il explique que s'il y a une crise, et que si la crise est si dure et si elle dure sur longtemps, eh bien, c'est d'abord et avant tout à cause des interventions de l'État. C'est l'État qui a créé les conditions qui ne pouvaient pas conduire à un autre résultat qu'une crise économique, et l'État, en intervenant pour corriger cette crise, ne fait que l'aggraver. Or, quelques années plus tard, en 1936, arrive Keynes avec un livre, La théorie générale, qui explique le contraire. La crise, au fond, c'est le produit du marché, et il ne voit d'issue qu'en ayant recours à l'intervention de l'État. Et au fond, il transforme les économistes en une sorte de deus ex machina, des gens qui arrivent avec les solutions miracles et qui vont pouvoir tout résoudre. Et alors, du jour au lendemain, on a cette situation absolument extraordinaire, je crois, dans l'histoire des sciences, d'un homme qui est très connu et qui, du jour au lendemain, va disparaître. Tout le monde va se précipiter sur Keynes, car après tout, Keynes, bien, il fait la part belle aux hommes politiques et la part belle aux économistes, alors que Hayek, c'est tout le contraire. Et alors, tout le monde, au fond, va adopter Keynes, et Hayek disparaît dans une véritable trappe. Alors, après la guerre, commence une autre période que j'appellerais la période philosophique. La période philosophique d'Hayek, et dont il faut bien comprendre l'origine, je crois. Hayek est traumatisé, comme tous les hommes de son époque, non seulement par la guerre, mais d'abord et avant tout par la montée du fascisme, du nazisme. Et voilà des gens qui ont une très haute culture, une très haute idée de la civilisation occidentale, et qui se demandent comment est-ce que notre société, notre civilisation occidentale a-t-elle pu accoucher d'une telle catastrophe ? Et c'est là le point de départ. Et le point de départ de toute la recherche d'Hayek, de bien d'autres, et Hayek, au fond, sa grande interrogation à l'époque. Si on définit la civilisation occidentale comme tournant autour du concept de liberté, pourquoi la liberté ? Pourquoi la liberté est-elle devenue une valeur occidentale ? Et à partir de là, vous avez toute son œuvre philosophique, politique qui découle. Lorsque La route de la servitude est publiée, ça a un succès extraordinaire. La route de la servitude est publiée en 15 langues. Il y a des milliers d'exemplaires. Son ouvrage est un événement politique. Peut-être même trop récupéré par certains courants politiques, notamment aux États-Unis. Et ceci lui a causé un tort énorme auprès de ses collègues économistes. Et du jour au lendemain, là encore, Hayek est revenu sur la scène, mais il va redisparaître. Il faut bien comprendre que pendant 20 ans, Hayek va pratiquement être rejeté en dehors du milieu de ses collègues économistes, qui ne le reconnaîtront presque plus comme l'un des leurs. Beliefs which have led us to do the right things, although they are not factually correct. Since we never understood... Les croyances qui nous amènent à bien nous comporter ne sont en fait pas vraies. En effet, nous ne pouvons pas comprendre en quoi les règles morales nous sont utiles. Elles ont été faites pour que nous leur obéissions pour d'autres raisons qu'elles-mêmes. Et ce sont ces autres raisons que fournissent les religions. Je ne crois pas que les assertions des religions soient vraies, mais je dois admettre que nous devons la civilisation au fait que l'humanité y a cru. Ce sont seulement ces croyances qui donnent une permanence à certaines traditions morales et rendent possible, dans le processus de sélection culturelle, la sélection des groupes qui ont adopté les meilleures règles, même s'ils les ont adoptées pour de mauvaises raisons. Bien que je sois agnostique, je ne crois pas dans les faits que les religions nous enseignent. Je suis convaincu que l'humanité n'est pas encore mûre pour comprendre les vraies raisons d'obéir à ces règles. Aussi, je dirais que même maintenant, nous ne pouvons préserver la civilisation que parce qu'une grande masse de gens croient dans la religion. Moi qui ne crois pas dans les religions, je dois faire de la tradition un substitut à la religion. Je dois admettre que beaucoup de ces règles que je ne peux justifier sont pourtant indispensables pour nous rendre capables de maintenir l'humanité à son niveau actuel. Vous pourriez me dire, vous aussi, vous avez une religion qui est la tradition, et c'est en partie vrai, mais je peux être critique par rapport à la tradition. Je peux me poser des questions, je peux même faire des expériences avec cette tradition. Je ne suis pas sûr, en fait, et c'est là où ma pensée rejoint grandement celle de Popper, qu'on puisse connaître les vérités de fait. Je dirais même que nous ne sommes jamais sûrs que quelque chose est vrai. Mais on peut maintenir la société seulement en présumant que la plupart des choses dans lesquelles on croit sont vraies, bien que nous devions nous réserver le droit d'examiner et de critiquer chacune de ces croyances. Chacune d'elles est en effet partie d'un système avec lequel elle doit être compatible. Et c'est ce qui compose notre morale. Florent Astalion. J'adhère totalement à son approche, hein, sauf que de temps en temps, ça pose quand même quelques problèmes. Il y en a un petit problème. J'ai l'impression d'entendre qu'au fond, Hayek, qui se déclare agnostique, en quelque sorte, bon, ben, je suis agnostique, je n'ai pas de religion, mais la religion, c'est bon pour les autres. Ça me gêne un petit peu. Il y a une deuxième chose qui me gêne un peu chez lui, que lorsqu'il y a des traditions, lorsqu'il y a des règles auxquelles on adhère, il y a la raison pour laquelle les gens adhèrent, en fait, croient adhérer à la règle. Alors, cette raison peut être une raison religieuse, parce que l'on croit en Dieu, parce qu'on croit aux tables de la loi ou n'importe quoi. Et le rôle du chercheur, du scientifique, qui est Hayek d'ailleurs, est d'essayer de comprendre pourquoi factuellement ces règles ont été adoptées par la civilisation. Autrement dit, il y a une dichotomie entre la raison pour laquelle les gens adhère à la règle et la raison véritable pour laquelle cette règle a été sélectionnée par le corps social dans le cadre de l'évolution. Et au fond, ce que fait Hayek, c'est de mettre en lumière ou de révéler les véritables raisons de nos traditions. Et si on découvre la véritable raison de nos traditions, comment peut-on continuer à y adhérer ? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Je pose la question un peu. Hein. N'y a-t-il pas une contradiction, en quelque sorte, entre, démontrer que les traditions ont un rôle positif, un rôle essentiel dans la structure et dans l'existence de la société, et en même temps rechercher ou démontrer en quelque sorte leur rôle, positivement le rôle qu'elles jouent. Pascal Salin. Il a dit lui-même que la science ne pouvait pas fonder une morale. Et on pourrait peut-être là aussi faire un peu une extrapolation en disant qu'elle ne peut pas non plus fonder une religion. Il se contente de rappeler le côté négatif peut-être d'une proposition, à savoir on ne peut jamais démontrer la vérité absolue d'une proposition. La science ne peut pas être le fondement de la vérité. Mais on peut démontrer qu'une proposition est fausse. Elle doit être abandonnée si elle est démontrée fausse. Et l'approche scientifique consiste précisément à rechercher des expériences cruciales, comme le dit là encore Popper, c'est-à-dire celles où on peut éventuellement mettre en défaut la proposition. Mais ceci ne veut pas dire nécessairement qu'on a justement démontré que la vérité absolue n'existait pas. On peut simplement dire que la science ne peut pas y conduire. Mais il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Quelqu'un peut très bien croire en certaines vérités qu'il considère comme absolues et peut avoir par ailleurs une approche en tant que scientifique qui est tout à fait semblable à celle de Hayek ou à celle de Popper, et même admettre que la religion ait pu jouer ce rôle de ciment de l'ordre social parce qu'elle faisait croire, parce qu'elle fait croire à la nécessité de certaines conduites qui sont utiles pour l'ordre social. Ce qui est évident, c'est qu'une religion qui développe des conduites incompatibles avec un certain ordre social finisse par disparaître. Henri Lepage. Par définition, dans le système l'approche d'Hayek, le socialisme est un système non seulement politique mais économique qui ne peut pas durablement assurer la survie d'une population très nombreuse, d'une société extrêmement complexe. Finalement, l'idée essentielle est la suivante, c'est que dans ce système avec des règles générales de juste conduite, sa caractéristique est de laisser à chaque individu la liberté d'utiliser les informations dont il dispose sur son propre environnement pour poursuivre ses propres fins. C'est l'idée de la décentralisation, et c'est surtout l'idée de la décentralisation de la connaissance. Et c'est là la recette, enfin, disons, le secret fondamental de cette société ouverte qu'on évoquait, ou de la société industrielle, de la société capitaliste, de la société d'économie de marché, le secret qui a permis précisément le développement de la population mondiale, de faire vivre davantage de gens que n'importe quel autre système autrefois n'aurait pu le faire, c'est que grâce à cette décentralisation, à cette liberté individuelle, qui est une liberté d'utilisation de connaissances et d'informations, nous sommes en mesure de faire en sorte que chacun d'entre nous prend ses décisions en fonction d'un montant d'informations, de connaissances et de savoirs bien plus important qu'il ne pourrait le faire avec n'importe quel autre système de communication. Une des théories centrales dans l'œuvre de Friedrich Hayek est que les hommes mémorisent les règles morales qui se sont révélées bénéfiques à l'expérience, même s'il est impossible à quiconque de montrer dans le détail pourquoi ou encore comment elles ont été bénéfiques. Le terme employé par Hayek à ce sujet est celui de « vérité symbolique ». It certainly does and must, but we cannot guide the evolution. Certainement, elle évolue, elle doit évoluer, mais nous ne pouvons pas guider l'évolution. L'évolution consiste essentiellement dans quelque chose de nouveau et que nous ne connaissons pas encore et qui s'impose de soi-même. Et par conséquent, nous ne pouvons pas planifier l'évolution. Et quand on essaye de la planifier, on la stoppe. L'expérimentation ne doit jamais prendre la forme d'une coercition. La forme la plus dangereuse d'expérimentation est celle qui consiste, pour le gouvernement, à forcer les gens à choisir une voie plutôt qu'une autre. L'expérimentation doit être concurrentielle, et elle suppose, par définition, la liberté. C'est la liberté la bonne méthode. Tout en s'étant intéressé très jeune aux idées marxistes, Hayek s'en fera l'un des critiques les plus virulents dès l'apparition de son petit essai polémique « La route de la servitude ». Dans le premier chapitre de l'ouvrage, il revient notamment sur ce qu'il estime être la base de tout, les fondements de l'individualisme. Son origine est clairement située en Europe occidentale et est liée à l'humanisme, lui-même lié à l'Antiquité classique et au christianisme. Trois types de liberté sont issus de cette histoire de l'humanisme, la liberté personnelle, la liberté politique et la liberté économique. Et Hayek relie cette notion à la seule qui, à ses yeux, vaille, la survie. Henri Lepage. Il y a un passage tout à fait fascinant, à mes yeux, un des plus fascinants du volume, qui prend quelques lignes, où Hayek explique, au fond, cette dynamique de la création de l'évolution sociale par le rôle de ce que j'appellerais, moi, personnellement, des entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire des gens qui rompent avec l'uniformité, enfin, des comportements de leurs concitoyens, expérimentent un nouveau type de comportement et vont avoir une influence sur le reste de la société par le mécanisme que les autres vont le copier. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'étudier pourquoi les autres vont le copier. Cet individu peut inventer un comportement, disons, qui est plus efficace. Et alors, il nous explique Hayek, ce qui est intéressant, c'est que les autres ne copieront son comportement que si, par ailleurs, cet individu apporte des gages comme quoi c'est vraiment un bon citoyen, comme quoi il est bien intégré à la société. Et c'est donc seulement si cet individu, par ailleurs, peut démontrer qu'il respecte en quelque sorte les lois fondamentales de la société dans laquelle il vit, qu'il pourra en même temps faire évoluer cette société en y introduisant de nouvelles normes de comportement marginales sur des points secondaires. Le contestataire est un type qui, lui, au contraire, conteste tout globalement. Et je dirais qu'il ne fera pas de petit. Parce que c'est d'évaluer l'ensemble des normes, l'ensemble du capital intellectuel, culturel que les autres ont. Pour pouvoir introduire une nouvelle règle, une nouvelle norme, un nouveau comportement, il faut malgré tout que le reste des comportements reste en quelque sorte compatible les uns avec les autres. Pascal Salle. Ce que dit Hayek, c'est qu'on ne peut pas durablement modeler une société comme on le veut. C'est une fois de plus la dénonciation du constructivisme. Et on en a là encore des illustrations. Par exemple, tous les échecs successifs des plans soviétiques qui ne peuvent pas être atteints parce que, précisément, on a une matière humaine qui ne réagit pas comme on l'a voulu a priori. Florent Aftalion. Hayek lui-même prend la précaution de dire qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas se faire spontanément. Il accorde une certaine place à des dessins intellectuels qui paraissent nécessaires dans certains cas, et en particulier pour ce qui est de sa propre proposition de forme de gouvernement, qu'il justifie en disant, et je cite, « Le pouvoir au sens large est nécessairement le produit d'un dessin intellectuel ». Donc c'est comme ça qu'il explique que, venant avec une proposition, il n'est pas lui-même constructiviste, car il y a bien des domaines où on ne peut pas avoir de la génération spontanée. Friedrich Hayek. That leads to a quite difficult technical question. Ceci nous conduit à une question très technique, provoquée par le fait que le mot « loi » n'est plus aussi clair qu'il l'était. La « rule of law », la règle de la loi, signifiait que seules les règles générales égales pour tous étaient réellement des lois. La politique moderne pose que tout ce qu'une majorité décide mérite le nom de loi, qu'il s'agisse d'une règle générale ou d'une commande particulière. Je crois fermement en la nécessité de limiter tout pouvoir à l'application des règles générales et abstraites. En ce sens, la rule of law, la règle de la loi, est la condition de la liberté. Mais cette rule of law signifie une restriction de ce que nous entendons par loi à un type particulier de règles et non pas à tout ce qu'une majorité décide. Et nous sommes considérablement trompés par l'ambiguïté du mot « loi ». Florent Aftalion. C'est la clé à tout le troisième volume de « Droit, législation et liberté ». Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent apparaître pratiques, mais qui sont tellement graves qu'ils engagent plus profondément notre pensée, sur la séparation qu'il doit y avoir entre législatif et exécutif. Tant qu'on reste dans le domaine abstrait, en attribuant des rôles de façon très générale, ça va bien. Mais si on veut préciser un peu plus, on a des problèmes. Henri Lepage. Quelles sont les règles générales de juste conduite qui définissent, disons, notre civilisation ou notre ordre occidental ? Alors ça recoupe la liberté d'expression, la liberté de circuler, liberté qui sont des libertés abstraites, celles-ci. La deuxième règle générale, ça sera la règle de la propriété privée. Tout l'ensemble, si vous voulez, juridique qui définit un contexte de propriété privée. Partant de là, vous définissez un troisième concept qui est le domaine de ce que j'appellerais la libre concurrence. La libre concurrence qui est d'abord et avant tout la liberté d'exercer le métier qu'on a envie d'exercer. Et cela définit, débouche sur le concept de l'économie de marché, l'ensemble des règles qui, disons, déterminent le fonctionnement d'un marché. Hayek ne dit pas « toutes les sociétés se valent ». Il dit, il y a une société qui a émergé parce que finalement elle est plus efficace que d'autres pour permettre à un plus grand nombre d'individus de survivre. Ce qui implique un jugement de valeur implicite d'ailleurs. Hayek le dit en fait de façon presque positive. Il dit c'est un fait, mais en réalité ça implique derrière ça qu'il place la survie d'un plus grand nombre d'hommes comme une règle morale supérieure à une autre. Demain, la suite de cette évocation avec une rencontre auprès de Serge Audier pour évoquer le colloque Lippmann. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Jean-Philippe Zvalen. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.